un ciel lourd que la nuit bien avant l'heure s'assiège, un fleuve, bloc de glace et que l'hiver ternit, et des filets de poussière de neige tourbillonnent sur des quais de granit. La mer se ferme, enfin, le monde recule, le monde des vivants, orageux, tourmenté, et, bercé aux lueurs d'un vague crépuscule, le pôle attire à lui sa fidèle cité.